maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go! Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Maître Gims dans Planet Rap. En direct et pendant une heure complète. Planet Rap. Maître Gims. C'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle soirée avec Maître Gims. À combien? 24 heures, même plus maintenant. Hein, même plus. 24 heures, à quelques heures. À quelques heures, c'est-à-dire que même les gens qui ont précommandé l'album sur le net l'ont à minuit une. Exactement. Donc ça veut dire que dans l'espace de quelques heures, vous serez inondé de Maître Gims, un double album, pilule bleue, pilule rouge. Exactement. Avec des morceaux qu'on a pu découvrir, beaucoup de réactions sur les morceaux d'hier. On en a passé deux. Deux en exclu, ouais. On a passé Pilule rouge avec le CI et le pilule rouge avec Juna Family, My Weather. Ouais, terrible. Terrible. Ouais. Et ben il y en a d'autres encore hein, sur l'album. Vous allez pouvoir découvrir ça, réagir aussi. On a des invités aussi normalement. Que se passe-t-il ce soir? J'espère qu'ils viendront, que tout le monde sera là. Voilà. J'espère aussi. On va voir si tu as des amis Space, encore, Gims. Voilà. On saura ça avant 21h. Voilà. La bonne nouvelle, on peut le dire, c'est que Enrique. Hier, on parlait d'Enrique, mais j'ai pas envie de trop m'avancer parce qu'il se défend, Enrique. Ah, Enrique est toujours là quand même. Des fois, il revient, des fois, tu vois. Bon, mais on est numéro 1. En tout cas, là, à l'heure où je vous parle, numéro 1 des ventes d'albums, numéro 1 des ventes singles, il n'y en a qu'un seul. Franchement. C'est le monsieur qui est en face de moi. Il s'appelle Maître Gims, numéro 1 avec Brisé. Ça fait plaisir quand même pour Brisé, non? Ah bah oui, il est arrivé d'un coup comme ça. Il est... Et c'est surtout que c'est l'histoire de ce son, c'est le premier son. Et toi, tu voulais. Avait raison. Et moi, je le voulais. Ouais. C'est celui-là que je voulais lancer à la base avant Est-ce que tu m'aimes, laisser passer et tout. Mais tout le monde m'a dit non. Viens avec une autre couleur, ça on te connaît sur cette couleur-là, ça fait penser un peu à ci, à ça, machin. Viens avec un truc un peu, brutalise un peu les gens, prends des risques, tu vois pas. Donc c'est pour ça que j'ai lancé Est-ce que tu m'aimes, et j'ai pas regretté. Parce que bah, en même temps, il s'est bien passé aussi, hein. Mm-hmm. Est-ce que tu m'aimes, le morceau avec le Fa aussi. Ouais, bien sûr, super bien. Et puis en plus, ces morceaux-là, on le voit aussi, ça remonte, les gens veulent écouter du Maître Gims. Exactement. Donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à réagir aussi avec le hashtag Maître Gims sur Skyrock. Ce soir, on fera un petit cahier de vacances, le dernier de la saison, cahier de vacances, puisque forcément la rentrée c'est la semaine prochaine. Ouais. Donc un petit quiz, tu vas voir, très sympa, très simple, basé autour de différents thèmes. Okay. Je t'en parle dans quelques minutes, mais juste avant, on débute avec Brisé, c'est parti. Allez, Maître Gims, ça sort demain. Mon cœur avait raison. On est à moins de 24 heures de la sortie. Et l'événement est sur Skyrock avec Maître Gims. Encore une fois, j'ai dû disparaître. Des fois, je t'aime, des fois, je te hais. Pour ne pas dire que j'ai tout donné, j'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres quand tu mens. Tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore facilement. Encore et encore facilement. Encore et encore facilement. J'essaie d'y croire, je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance. Vois-tu comment le diable est habile, la vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres quand tu mens. Tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance aveugle. tu m'as fait du tort parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. J'essaie d'y croire, je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. C'est Maître Gims, notre invité, ce morceau qui s'appelle Brisé, qui est extrait de l'album, le double album qui sort demain, Mon cœur avait raison, sur Skyrock, entre 20 et 21 à découvrir. Yes, Brisé. Des invités, tu le disais, dans quelques minutes, aussi des messages pour toi qui sont arrivés sur notre téléphone portable, ton téléphone portable pendant une semaine. Mon fameux téléphone portable, rendez-le moi. 0771 qui nous dit, ton titre Brisé m'aide à surmonter certaines épreuves, merci pour ta simplicité et ton humilité. Voilà, ça petit fait message. Plaisir, tu vois, des messages comme ça, ça petit motive. Message d'encouragement. Ça te donne envie de faire plus fort, d'aller plus loin. 0750, salut Gim, j'ai reçu ton album aujourd'hui. Ah, vu ah bon que je l'ai ouais. eu en précommande. Ouais, il y a des gens qui l'ont eu en précommande, j'ai vu des photos sur Snap. Avec la statue en papier et le poster. Donc il y a une statue en papier et un poster. Il y a une statue en papier, ils m'ont fait une tête carrée. Non, ouais, j'ai une tête carrée et avec un poster. Et donc la suite du message, c'est ça sent le 2 millions d'exemplaires, il cartonne ton album. J'espère. On croise les doigts. Message va se réaliser. Un autre message, pourquoi tu poses jamais tes lunettes? C'est 0695. Bah, en même temps, les lunettes, c'est important aussi. C'est important, bah oui. C'est comme les Daft Punk qui posent jamais leur casque. Gims sans ses lunettes. C'est quoi cette photo là? Où ça? Oh là là. Ah oui, il y a des photos qui arrivent. Hein. Continue à les balancer aussi. Ah, c'est sur le skyrock.fm. Quelqu'un qui mange des serpents. Ça, je sais pas. Une image de ouf là, auditeur, auditrice de Sky, c'est fou. Mais pour revenir, non, juste un petit mot en effet sur les lunettes et le côté notoriété, c'est un truc que t'as eu du mal à gérer toi, ce côté où d'un seul coup t'es reconnu dans la rue ou bien on demande forcément beaucoup de photos, beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai que c'est au début c'était un truc de fou, tu vois. C'était le fait, c'est toujours flatteur, tout ça l'est toujours aujourd'hui. Moi, les lunettes, à la base, pour répondre aux lunettes, c'était le style. Mmh. Mais c'est très vite devenu, après, un moyen de... Ouais. c'était un moyen de... Je me suis rendu compte que les gens me reconnaissaient un peu moins sans. Donc, voilà, c'est devenu un peu ma protection. C'est une façon de rester derrière, quoi. C'est un truc qui est pesant quand même parfois au quotidien où, voilà, où tu peux être en famille. C'est plus dans ces moments-là. Peut-être en famille, peut-être c'est pas le moment. Et voilà, c'est comme les humoristes et tout. Tu sais, tu n'as pas le droit de pas être content ou tu n'as pas le droit de refuser une photo parce que t'es pas en forme, t'es pas bien. Bah, tu le dis dans c'est dans Laisser passer d'ailleurs. Tu le dis un petit peu genre. Non, c'est pas Laisser passer. C'est quel morceau où tu dis de temps en temps, ouais, j'ai pas voulu faire de photos. Oui, attends, photo. Je crois que c'est dans Mon cœur avait raison peut-être. Mon cœur avait raison. Peut-être que c'est celui-là, ouais. Mais en tout cas, ouais. C'est plus dans ces. Mais après, je comprends les gens. Les gens se disent, on va plus jamais le revoir, tu vois. Peut-être qu'on va pas le revoir, donc chacun veut sa photo. Moi, bon, tu vois, c'est accessible quand même. Bien sûr, je suis accessible. Bien sûr. La plupart des gens le savent. Voilà, la plupart du temps, ça se passe bien. Bien sûr, les gens le savent. Alors, dernier message aussi. Quelle est la différence entre la pilule bleue et la pilule rouge? Je vois pas. Bah, pourtant, si, quand même. Ah ouais, tu vois pas. Purée, bah, écoute, ça, c'est un message 0780 qui nous arrive ici, quand même. Bon, on l'a dit, pilule bleue, c'est un petit peu plus le côté pop urbaine où ça chante un peu plus. Bah oui. Et la pilule rouge, ça chante plus, c'est plus ouvert. Tu peux l'écouter avec papa, maman, papy, tantine, tata. Avec tout le monde. Pilule rouge, tu peux un peu moins, c'est plus ciblé. C'est plus ciblé, un public rap, puriste, voilà quoi. Et il y a plein de bons morceaux en tout cas sur les deux, hein, que ce soit pilule bleue ou pilule rouge. On va saluer aussi un invité qui vient de s'installer, qui est plutôt pilule bleue, a priori vu le sweat qu'il est en train d'arborer, qui est de couleur bleue. Monsieur H Magnum, qui est là, X Gangs, qui nous a rejoint aussi, et qui était là hier. Ça va bien, H? Ça va. En pleine forme? Ouais, en pleine forme. Hein. Bon, ça fait plaisir en tout cas de te voir. Calme, pareil. Tu veux soutenir pilule bleue, pilule rouge, tu es aussi présent. Tu es là. Ouais, la pilule bleue, le frérot. C'est, on lâche pas. Bon, il y a une histoire en commun entre vous deux. Il devait y avoir d'ailleurs un album en commun entre vous. C'est vrai, à chaque fois on en reparle. Ah oui, il devait y avoir cet album en commun. Cet album en commun. Ouais, c'est cet album. Donc en fait, c'est quoi? C'est des morceaux que vous recyclez, que vous avez enregistrés il y a longtemps? Que vous nous sortez. Non, c'est ça, ouais, on a pas mal de sons ensemble, donc ça, on s'est permis de les ressortir. Et voilà. Ah, c'est un morceau, ouais, qui a été enregistré il y a longtemps, celui-ci qu'on retrouve sur l'album. J'avais déjà la mélo, j'avais déjà les trucs, et voilà, c'était évident de le faire avec H Magnum. C'est qui pour toi H Magnum d'ailleurs, Gims? Bon, c'est un ami avant tout. un ami, un frère, un conseiller. C'est quelqu'un qui me dit la vérité, qui me dit les choses, qui me permet d'avancer, qui me... Parfois il dit ce que t'as fait là, c'est moyen. Ouais, ouais, il dit là, me guille sur ça, franchement, ça bire pas, tu vois. Ça bire, ça bire pas, ça veut dire ça me vend pas de ça rêve, pas de rêve, ça me met pas de frisson, quoi. Ça ne me bire pas, je me reconnais pas, tu vois. Mais alors, est-ce que je reçois ça de sa part ou des autres, ça fait quelque chose. Est-ce que Schmagnum, quand même, tu peux vendre du beer sur ce double album? Non, franchement, le double album est fort. Est-ce que tu peux nous faire justement un beer incroyable ou pas? Je sais pas, on va savoir. Exceptionnel peut-être sur ce double album, Mon cœur avait raison. Que tu as dû écouter forcément les deux. J'ai écouté violent. Ce qui est fort, c'est que justement à travers ça, ce que les gens doivent comprendre, c'est que la pilule bleue, c'est très artistique, tu vois. Et la pilule rouge, c'est des grosses punch comme on connaît. Ça kick fort parce qu'aujourd'hui, tu peux pas t'improviser chanteur, surtout quand tu viens de l'urbain et t'as pas prouvé dans le rap. Donc Mugi, il a déjà tout prouvé, il n'a plus rien à prouver. Et ça, la pilule rouge, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour le public qui manquait de rap. Beau cadeau quand même. Un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Il y a des grosses punch. Des couplets. Merci. Vas-y frère. Arrête ça. Non mais c'est la vérité, tu vois. Et la pilule bleue, voilà, c'est grandiose, tu vois. C'est un artiste complet, c'est ça. Et c'est ça, la nouvelle génération aujourd'hui, c'est ça. Et la sortie, c'est demain. Enfin. Et dès minuit pour ceux qui l'ont précommandé. Demain, il sera. Et ben on peut précommander maintenant, on peut l'avoir. Précommander dès maintenant. Allez-y, sur iTunes. L'album est déjà numéro 1 grâce à vous. Le single brisé est numéro 1 grâce à vous. Continuez de soutenir, merci. Merci à tous. Longue vie à tous. C'est le retour du King. Si on écoutait un morceau d'ailleurs, alors, sur ma fiche, on me dit Number One, on me dit Angelina, ouais. On me dit Longue Vie, on me dit Laissez Passer. Ouais, on va s'écouter tout ça ce soir. Ouais. Qu'est-ce qu'on met alors maintenant? Bah écoute, Gims. On peut. Laissez Passer, non. Laissez Passer? Tu veux Laisser Passer? Ouais, Laissez Passer, je reviens du Maroc là. On se met Laissez Passer. Ah, ça c'est le morceau oui, qui tourne un peu partout d'ailleurs. Ouais, lourd. Très très lourd, le morceau Laissez Passer qui nous a ambiancé tout l'été. On va se jouer Laissez Passer avant de découvrir le son avec Schmagnum un peu plus tard. D'autres nouveautés tout à l'heure, d'autres exclus juste avant la sortie, là, d'ici quelques heures, de l'album de Maître Gims. La main du roi. Non, ici même. C'est trop tôt. Allez, Laissez Passer, c'est parti. Monsieur Juna, je m'inquiète pour ton avenir. Monsieur le prof, tu ne connais pas l'avenir. Il se peut que tes propres gosses écoutent ma zique et que le 458 soit dans le parking. Monsieur Juna, les papiers du véhicule. Monsieur l'agent, je ne possède que des tubes. Il se peut que vous m'ayez flashé dans la ville. Vous qui vouliez une photo pour votre fille. Donc vas-y, cause toujours en son tabou. Vas-y, cause toujours en son tabou. Laisse-moi m'en occuper, je vais te faire oublier. s'est passé à l'instant, Maître Gims. Je suis très ému, regarde ce que j'ai entre les mains. Et ouais, tu l'as, Fred. Ça y est, je l'ai entre les mains. Il a entre ses mains. Aïe, aïe, aïe. Mon cœur avait raison. La pochette. En plus, moi, je suis. Franchement, bon, j'aime beaucoup les téléchargements. Mais là, j'adore l'objet, moi. T'aimes bien là-bas, c'est ça. J'aime l'objet, j'aime avoir l'album. C'est avec le. C'est quoi l'anticulaire là? Ah oui. Le machin. C'est quoi d'ailleurs l'anticulaire? Tu veux dire en mode c'est ouais, c'est en fait il y a une édition limitée collector pour les premiers servis. C'est-à-dire que la pochette change de couleur. C'est pas vrai. Normalement, je sais pas si t'as cette version là. Ah non, moi on m'a floué. Ah non, il y en a pas énormément, tu vois. Moi on m'a floué. Mais t'as la version anticulaire, ça veut dire que l'eau devient bleue et quand tu bouges un peu ça devient rouge. T'es dans le... Non, tu l'as pas. Non, tu l'as pas. Pas assez picolé. Tu l'as pas, Fred, arrête. Arrête, Fred. Ça marche pas. Tu vas te faire du mal. Oh merde. J'ai pas la lenticulaire, mais bon, ça va. Ça me convient. Il y a les mêmes sons dedans. Très content, en tout cas, de l'avoir. Même si c'est pas lenticulaire, c'est les mêmes titres qui sont dedans. C'est juste une pochette. Un double album. Complexe, quoi. Maître Gims. Non, mais j'ai toujours autant de plaisir d'avoir les albums comme ça. Franchement, c'est un truc tout con, mais j'aime bien les avoir. Ah, ça fait plaisir. J'adore les avoir. Je regarde, je prends les petites pochettes, machin. Non, on montre pas toutes les images. Faut acheter l'album. C'est sur le skyrock.fm, les images. Le meilleur album de sa vie. Oh, des très jolies photos. Merci, ouais, de belles photos. Meilleur album. Ah ouais, il y a des trucs très sérieux en photo. Ah non, c'est sérieux en photo. Bon, on montre pas en tout cas. Voilà, des sorties dès demain. Album de Maître Gims. Tiens, À côté, Subliminal, c'est une mixtape. Tu veux me le piquer déjà, Gims? Sublime. Ah, bâtard. Et je le surveille. Je montre aux collègues. Le Planète Rap avec Maître Gims, on va faire un petit jeu maintenant, le cahier de vacances, c'est le dernier cahier de vacances de Planète Rap. On avait fait ça pendant les mois de vacances, au mois de juillet. D'ailleurs, tiens, Schmagnum, tu vas être là, c'est toi qui vas jouer. Ok. C'est très simple, Gims. Ouais. Tu es là, tu es concentré, tu vas peut-être filer un coup de main à Schmagnum. Mmh. Petite révision, cahier de vacances avant la rentrée. Mmh. C'est très simple, je mets des extraits, il faut retrouver les paroles manquantes. On y va, premier extrait. Laquelle elle s'assoit. Attends, je reprends. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Bravo, premier point, bravo. H. Magnum connaît bien pour l'instant. C'était dur, c'était pas facile. Attention, pas facile. Ça se complique maintenant. Enfin, presque. Allez. Yeah. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a négligé. Et moi, comme un teubé, j'ai dit OK. Alors attention, H. Magnum, est-ce qu'il connaît bien? Est-ce que le cahier de vacances a marché pour H. Magnum? Je sais pas. J'ai préféré partir et m'isoler. Maman, comment te dire, je suis désolé. La conseillère m'a clairement gligené. Non, ouais, négligé. Bravo, mais clairement négligé. Mais j'ai, ouais, très bien, parce que j'avais pas que tu oublies le clairement. Facile. Bravo. Non, mais c'était pas facile. Troisième extrait, attention, ce n'est pas cette fois-ci. Ce n'est pas cette fois-ci, Maître Gims. Mais un ami, un collègue, un pote, la famille écoute. Bien. Sur ma route, il y a eu un tas de bouchons. Oh. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier? Parce que les amis peuvent disparaître un par un. Attends, j'ai passé une nuit blanche sur ce son. Voilà. Ouais, bah voilà. Le point quand même pour Maître Gims, hein, celui-ci, le point, je suis désolé, t'as été un petit peu en décalage. Okay. Quatrième extrait. Faites pas le poids, ce chapitre me paraît clos. Rien à foutre de savoir ce que les cœurs y valent. Ici c'est Paris, c'est tribal. Alors attention, c'est donc évidemment le Fa avec le morceau qu'il a balancé il y a quelques semaines de cela. Rien à foutre de savoir ce que les cannibales valent. Ici c'est Paris, c'est tribal. Pas les cannibales, non. C'est comme les. Il y a une bonne partie. C'est rival. Ici c'est Paris, c'est tribal. Limite cannibale. Limite cannibale. H. Magnum, bravo! Le cahier de vacances a fonctionné chez H. Magnum. Je me rappelle quand il venait, c'est ça. Allez, après on va voir, c'est un des gros cartons aussi cet été, justement, qui s'est battu. Enfin, battu. Ouais. Attention, battu en. Oh, ouais. Évidemment, en tout bien, tout honneur. Hein. Mais c'était aussi un des gros cartons cet été, c'était Nekfeu. Écoutez ça, on va voir si vous êtes fort sur le son de Nekfeu aussi. On se fait chier au taf, on attend les camps vins. On se parle derrière un ordi, mais en vrai. Attends, se fait chier au taf, on attend les cancevards. On se parle derrière un ordi, mais en vrai. Mais en vrai. En vrai, on devrait se parler par téléphone. Mais en vrai, on devrait. Mais en vrai. On devrait aller au resto. Mais en vrai, quand est-ce qu'on se voit 1-1 quand non, après ce qu'on se voit. Hein. Ah merde. Après ce qu'on y était presque. Mais en tout cas, voilà. Bravo. Ouais, c'était bien. En tout cas, bravo pour ce cahier de vacances. J'ai envie de vous applaudir. Ah, bravo merci. Pour ces révisions. Ah, là, là. C'est la rentrée la semaine prochaine. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Dans un instant, qu'est-ce qu'on mettra, Gims, comme morceau? Est-ce qu'on met le morceau inédit? On va mettre le morceau inédit, je pense, avec. Avec moi. Mais maintenant, ouais. Non, on va le mettre. Juste avant, je voulais quand même vous faire écouter parce qu'il y a eu un retour. Je sais pas si vous aimez Macklemore. Est-ce que tu aimes Macklemore ou pas? Il a fait du lourd. Hein. Est-ce que tu as entendu son nouveau son? Ah non. Et je pense que c'est un peu la tendance parce qu'on a eu tout, les trappes, les machins, les drills, etc. Ouais. Je pense qu'on peut revenir sur cette tendance-là. C'est un hommage au hip-hop des années 80. Ouais. Écoutez le son, vous réagissez derrière, d'accord? Okay. Macklemore maintenant. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap, donc titre qu'on a pu découvrir tout à l'heure, c'était chez Emery entre 16h et 20h, pas mal quand même. Franchement, pas mal. Moi, j'aime bien les délires comme ça à l'ancienne. Un petit retour à l'ancienne. Ouais, j'aime kick, bien. Comme à l'ancienne. Macklemore avec Ryan Lewis pour Downtown à l'instant sur Skyrock et Maître Gims numéro 1, toujours numéro 1 Gims. Toujours numéro 1. Avec Brisé, avec l'album. Ouais, avec l'album, les gens sont là, la France est là. La France. Qu'est-ce qu'on va mettre dans un instant comme morceau? Titre inédit ou pas? Titre inédit, issu de la pilule bleue, Mon cœur avait raison, featuring H Magnum. Ah. Number 1. Number 1. Bon alors un petit mot sur la naissance de ce morceau. Bah, la naissance de ce morceau, si tu veux, on a pas mal de petits sons à cacher avec H Magnum, tu vois. J'ai remis ça au goût du jour, j'ai retaffé un peu la prod, etc. Donc c'est un morceau qui était fait il y a un petit moment. Un petit moment, la prod était là, elle dormait, tu vois. Il n'y avait pas de voix spécialement dessus. Ah, vous aviez pas posé encore dessus. On n'avait pas posé, voilà. Ouais. Donc j'ai remis ça au goût du jour. Il y avait du potentiel. Le style, c'est très reggaeton, machin. Moi, j'aime beaucoup ça. Mmh. Et on n'avait jamais fait de son comme ça. On a beaucoup fait des sons dark, machin. Ouais. Ça kick, c'est violent, tu vois. Mais un son comme ça, on n'en avait pas fait. Donc je pensais que c'était le bon moment de faire ça pour l'album. Tu veux ajouter quelque chose? Non, mais ce qui est, Monsieur H. Magnum, très très lourd. Et ce qui est bien, c'est que là dans les prochains featuring que je vais faire qui vont sortir avec Muggy, c'est vraiment deux univers différents. Il est dans mon album, c'est un autre délire. Et ton album qui s'appelle Gotham City, City. Qui arrive quand alors? Qui arrive fin octobre. Fin octobre. Gros album. Ouais. Très gros album. Franchement, on a bossé. Donc fin octobre. Ouais, fin octobre. Avec un Z. fin octobre, il y aura donc la sortie de Gotham City. Et on a fait un gros feat dessus aussi. Aussi avec Gims. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas redondant. C'est pas la même chose. C'est jamais la même chose depuis toujours. Merci de me rendre mon album en tout cas. Mon cœur avait raison, on écoutera donc ce morceau dans un instant qui est issu de la pilule bleue, en effet. Hein. Number one. Le morceau s'appelle Number One, on l'écoute après la pub, ça vous va? Après la pub. On exclut Total, bougez pas, c'est après ça. Ladies and gentlemen, Skyrock reçoit Maître Gims pendant une heure complète ce soir. Planet Rap, Maître Gims. C'est Maître Gims, notre invité toute la semaine en direct entre 20h et 21h. Ouais, l'album ouais. Sort dans quelques heures maintenant pour ceux qui l'ont précommandé. Allez, continue à précommander, vous l'avez à minuit une. Ouais, à minuit une, vous l'avez. Le temps de télécharger, bam, vous avez tout. Ouais. L'album est arrivé aussi. Dans certains foyers, les gens l'ont déjà eu, dans je certains vois. Foyers, les gens l'ont eu. Je sais qu'à Aix-en-Provence, les gens l'ont eu. J'ai vu des snaps, des trucs comme ça. Où les gens avaient déjà cette chose. Bah les gens, attends, ils, ce passent, genre de ils chose. Passent parfois dans les magasins en disant est-ce que vous allez mettre Gims? Ces mecs sont dans les cartons en disant allez tiens, allez, prends-le. Prends-le. Il y a tellement de demandes que c'est comme ça. Écoute, c'est la vie, c'est aussi. Voilà. C'est l'important, c'est que maintenant, il appartient au public, cet album. C'est l'album du peuple. C'est l'album du peuple, un double album, pilule bleue, pilule rouge. Et là, nous allons nous concentrer maintenant sur un morceau qui s'appelle Number One, qui est sur le côté pilule bleue, avec H Magnum. H, est-ce que tu crois que les gens sont prêts? Non, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts? Non, ils sont pas prêts du tout, même. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Déjà, j'étais pas prêt. J'ai quand même envie qu'on le balance. On va voir les réactions. Le hashtag, c'est Maître Gims sur Skyrock. Dites-nous ce que vous pensez de ce morceau. Dream. Un morceau avec Maître Gims, avec H Magnum, maintenant à découvrir en exclu. Yeah. On y va? On y va. Le voici. 15-020, Saint-Blaise, 9ème zone, H Dream. You! Tourner la tête autant qu'un bon spliff. J'ai connu la hesse ego, j'suis invincible. Quand ça parle en milliers d'euros, aucune panne n'inspire. Ah, j'suis moi l'anneau, encore un bon fils. Elle me dit que tous ses frères veulent me brutaliser. Malgré ma politesse, j'suis pas le fils à l'idée. Je connais la fin du film, j'suis déjà triste à l'idée. Quand elle verra ma sassème, elle va m'officialiser. Tu connais les cuirs, il laisse les sous tomber. Fais pas garçon. Ni comme 80% des garçons, il lui dit qu'il est célibat. J'aime le genre de mec à la fois gentil et comique. Il lui dit ok, mais promets-moi d'être jolie et soumise à affirmatif. Elle bouge la tête comme dans les concerts. Garçon, ni comme 80% des garçons, il lui dit qu'il est célibat. Inondé les eaux, j'avais pas prévu qu'il ait ses maisons. L'argent t'a fait dire mon Dieu qu'il est beau. Quand j'ai perdu, tout le monde se dit qu'il est drôle. Y'a rien à gémant, et même le frigo pute la gueule. Suis-moi pour un coup d'épaule, il sort le gun. A1, j'suis toujours le number one. C'est moi, oui c'est moi. Millionnaire, j'dormirai pas sans mon 9 mm. J'aurais des meilleurs amis parmi eux, mais j'n'oublierai pas les vrais qui m'ont aimé quand j'avais rien. Millionnaire, j'dormirai pas sans mon 9 mm. J'aurais des meilleurs amis parmi eux. Ouais, Châteauroux, le 36, Châteauroux, mais bien sûr. Aïe, ici on ramasse des cerises, là-bas des grosses doses, toast. Les chefs d'état français dans des maisons, close. Elle m'a pris dans ses bras, ça m'a rendu claustro. J'ai négocié la taxe, on m'a dit j'trop. On ramasse des cerises, là-bas des grosses bastos. Les chefs d'état français dans des maisons, close. Elle m'a pris dans ses bras, ça m'a rendu claustro. J'ai négocié la taxe, on m'a dit j'costro. Inondé les ondes, j'avais pas prévu d'y laisser mes ondes. L'argent t'a fait dire projet son. Quand j'éternue, tout le monde se dit qu'il est drôle. Y'a rien à gémir. Et même le frigo pute la gueule. Suis-moi pour un coup d'épaule, it's off the gun. A1, j'suis toujours le number one. C'est moi, oui c'est moi. Insolent, meilleur de sa génération. Le prince d'Adjou, Dream, ha, le jig. Falou. Voici donc un extrait de cet album, double album de Maître Gims. Ouais. Très avec très H Magnum, hein. Number One. C'est ce qu'on écoutait sur Skyrock. Vos réactions, vous balancez aussi lourd. Il bire le son. Il bire l'expression. Même le frigo pue de la gueule. C'est même le frigo pue de la gueule. C'est une partie des punchlines de ce morceau. Le morceau est dans le projet qui sort dans quelques heures. Dans quelques heures, oui. Sur la toile d'araignée. Le compte à rebours est lancé. Ouais. On pourra pas écouter la main du roi aujourd'hui. Une demande d'H Magnum. Une demande d'H Magnum. La main du roi. N'était pas prêt. Ok, il y a d'autres invités qui arrivent. Pendant qu'un autre arrivé est en train. Une arrivée internationale. Une arrivée internationale. Une double arrivée internationale dans le studio. Gims, tu veux dire un mot quand même sur ces deux garçons qui arrivent ça, dans le studio. Invités, ça c'est des invités d'honneur de l'album, tu vois. Très très lourd. C'est des invités d'honneur, on les attendait pas sur cette discipline là, malgré qu'ils l'ont côtoyé toute leur vie. Mais là ils ont décidé de prendre le mic, tu vois. C'est vrai que c'est une surprise. Ils ont décidé de prendre le mic, le micro. Évidemment, alors on peut vous le dire, c'est évidemment les Twins. Les Twins qu'on a vu danser avec comment? Les plus grands, non? Avec les plus grands, avec notamment Jay-Z, Beyoncé. Ils étaient là, ils dansaient. Ils ont refusé Rihanna, ils étaient fatigués. Ils ont refusé tellement de gens, tu vois. Maintenant ils refusent, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un point. C'est des gens qui ont avancé avec le cœur. Moi ils étaient là depuis le début. Ils viennent d'ailleurs de régions parisiennes aussi. Si je me trompe pas, du côté de Sarcelles. Du 9-5, c'est ça les gars. C'est bizarre, vous entendez parler de moi alors que je suis là, ça Les fameux danseurs internationaux, mais j'ai même plus envie de dire plus que ça. Les meilleurs danseurs du monde. Ouais. Ils sont là avec nous, ils sont là avec toi. Et il y en a un des deux qui est présent sur l'album en effet. Exactement. Actuellement, les deux. Non, les deux, mais bon, comme j'étais là. Tiens, prends bien le micro, vas-y. Comme j'étais là plus présent que mon frère, parce qu'on est en train de faire notre propre album. Il paraît. Oh, ouais, c'est parti Timbaland normalement. T'as vu comme ils disent. Attends, désolé. Je suis désolé, mais redis ce que tu disais à l'instant. En fait, moi et mon frère, on a commencé à rapper déjà depuis un moment. Moi en premier avec Dr. Dre, normalement. Quand il y a 5 ans. Non, mais dis-le. Non, mais faut comprendre que les mecs gagnent les blagues. Non, il faut les comprendre. Les mots qu'il dit, la France n'est pas forcément prête. Ils sont pas prêts. Non, mais c'est pas. Lui, il est sorti comme ça. Lui, des mots, il est sorti comme ça. Parce que là, tout à l'heure, tu sais, il a pris son. Il a dit Timbaland. Il prend un petit déjeuner, il y a Dr. Dre, tu sais, il fait tomber sa tasse, il renverse un peu. Il renverse un peu la tasse de Dr. Dre. C'est normal. Excuse me. Voilà, un truc qui sort des toilettes, lui, il passe. Tu vois, ça bouscule. Il y a la petite bébé, il tombe. Tu vois, c'est la vie là-bas. Laurent, ils sont dans ce genre de choses. Revenons au cœur du sujet. Non, mais tu vois, c'est comme toi. Tu rencontres tellement d'artistes ce matin. Tu vois, tu vas voir, je sais pas moi, ta femme. Je vais dire oui, hier j'étais avec Maître Gims, tout ça. J'ai on pète un plomb. Alors que pour toi, c'est normal. Nous, en fait, en tant qu'artistes, comme dit Dr. Dre, les génies reconnaissent les autres génies. Oh my God. Nous, on a, entre parenthèses, une façon naturelle de parler ensemble, comme j'ai la façon nature de parler avec toi ou d'autres personnes. Et ça match, tu vois. Mais après, maintenant, je savais pas que nous, on pouvait avoir la force de prendre le micro et faire des choses que les gens ont du mal à faire, entre parenthèses. Mais vous avez commencé aussi là-dessus, vous rappiez avant de danser ou en même temps? On a sous la douche et tout. Normal. Ouais. Normal. Comme tout le monde, je crois. Comme normal. Non. Moi, je chantais, mon frère, il rappait. Et puis, on a. Et puis, la danse vous a rattrapé un moment, quoi. Mais en fait, tu sais, à force de voir ce qu'on fait pour Big, ce qu'on fait pour Jay, ce qu'on a encore dans le studio, on dit, voilà, Miss Elliot fait ça, fait ci. On a dit, mais prof, fais pas ça pour nous-mêmes. Et puis là, le temps, on se dit, vas-y. Et là, c'est lancé, c'est parti. Et attention, tu sais, on pourrait croire que, ouais, non, rester dans la danse et tout. J'ai écouté. Non, c'est lourd. J'ai écouté les projets. Asso, le véritable, était là. Il était tard cette nuit-là. Et tout ce qui s'est passé cette nuit-là restera à jamais caché et dissimulé. Les victimes de cette nuit-là sont tatouées, sont marquées d'un sceau sur le dos. Qui nous oblige à garder le silence. C'est extrêmement lourd. Ah, c'est trop lourd. Très lourd. C'est le projet est sale, sombre, machiavélique. C'est en langue anglaise. Noir est le projet. Je ne sais pas rapper en français. J'ai essayé, j'ai demandé à Gims. J'ai dit. Ouais, parce que toi, tu rappes sur le morceau avec Gims en anglais. Ouais, mais est-ce tout que... le temps, ouais. Je ne sais pas rapper. J'ai essayé, on dirait Frozen. Donc ce sera un projet international. Bien sûr. Tout ce que je fais, c'est international. Il n'y a pas de. Donc voilà. Bon, en tout cas, bravo. C'est important aussi. C'est important aussi de souligner, tu as raison Gims, de souligner aussi voilà, des réussites. C'est des petits gars qui partent du 9-5. De là, tout est possible. Passionné, allô la France, passionné, tout est possible. Voilà, c'est ça, passionné par le hip-hop. Passionné, déterminé, par la danse, sûr. Par cette culture, et à un moment vous retrouvez à danser. Allô la France. Moi je me souviendrai toujours de cette chorégraphie. C'est vrai qu'il y en a en particulier, c'était, je sais plus, MTV Awards ou BET, avec Beyoncé. Oh, où VMAs. Qui était juste. Il faut savoir que ces gens-là montent. C'est eux qui montent le show de Beyoncé. C'est pas, ils arrivent, on dit, bon les gars, vous faites ça. Ils montent le show, ils apporte la pierre à l'édifice. Sans eux, le show n'est pas le show. C'est ça, c'est ça. Oh, c'est ça. Et en tout cas, bah, on est content de vous recevoir. Bienvenue, merci, en tout cas, dans ce Planète Rap. Merci, bienvenue, et puis bravo. Et c'est vrai que c'est important aussi de souligner les réussites. Voilà, il y a des mecs comme ça. C'est important. Et ça, c'est et eux, c'est des vraies belles réussites, en tout cas internationales. C'est des modèles, sont des modèles. Voilà. Merci, et dans l'album, voilà, on a fait le morceau Angelina ensemble. Voilà, qui est un très qu'on va peut-être écouter dans un instant. On va écouter dans un instant. Mais juste avant, je vous présente Jack Turbulence de Lyon qui nous appelle pour faire un freestyle par téléphone. Salut Jack. Allô. Ça va bien Jack? Salut. Bienvenue un gros Planète Rap. Maître Gims évidemment, H Magnum et les Twins qui nous ont rejoint, ils sont là. Jack Turbulence est là. Tu es prêt à rapper? On t'écoute, c'est parti, session freestyle. Bah ouais, je suis prêt, toujours prêt. J'entends mal l'instru, je sais pas si elle est lancée. Vas-y, c'est parti. C'est bon. En direct du Velvet, avec une petite Switchy. 1, 4, T. 1. Hey yo, moi, si t'as le menti, j'ai le manche cul, c'est la manche vitre allemande. Je finis tous les mignons facilement à la main d'œuf. Tu sais que t'as fait si t'as fait ça, mais c'est qu'un menteur. Lâche des boules comme un charlatan. Voilà quand je parle à temps, je fais de la monnaie, mon ami, tu n'es pas là-dedans. J'ai continué à rapper, j'en ai mal à la dent. Vélo aujourd'hui me voilà, des balles de freestyle dans la tempe. Je suis pas de ceux qui connaissent Allah, juste pendant le mois du ramadan. L'instru elle pèse, elle pèse, elle veut peut-être couler la peste. Les jaloux, je sais pas s'ils vont bien, mais moi, alhamdoulil, elle baisse, baisse. Pas son froc, nous on laisse pas, on croque. On sait rien, mais on croit que chez nous on porte le broc. C'est l'homme maluné, maluné, je délaisse ton homme, tu peux tous me les aligner. Ils sont jaloux depuis que le WAM a validé. Je vois que la concu, elle est fatiguée. Oh tu sais, je vais pas me soumettre. Je suis de la titi, ne fais pas le fou mec. En direct de Planète Rap. Yeah. Ah, merci les mecs. Jacques Turbulence à l'instant, merci Jacques. À toi. Jack, ma main, Jack. On peut te retrouver sur le net quelque part. Balance si t'as des adresses, vas-y. Jack. Ouais, c'est Jack Turbulence, DGACK, espace Turbulence. L'homme au lance. Dédicace à Raja. Raja, je te vois. Hein. À Raja. Et... du Watibé. Raja du Watibé, frérot. Ah, Raja, je savais pas que. Elle dialoguait sur le net. Ah, sur des sites bizarres. Raja, voilà. Eh ben, elle est là, Raja, voilà. elle est là aussi. Elle t'écoute. Elle est toute rouge. Tu l'as rendue toute rouge. Elle est toute rouge, carrément. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Raja et Jack, moi. Là, dédicace aussi, Dawala, je le connais un peu. Voilà. Elle est pas là. Ouais, il est parti compter les Français. Je sais, il est pas là. T'inquiète. Ah, merci à toi, à Jack. Boutique, rue de la Poulaillerie. Ouais, demain, demain. Demain, tu y seras, Gims. Hein, demain, c'est. Ouais, demain, Wati Boutique, tu fais bien de le rappeler, Fred. Totalement zappé, l'émotion, tu vois. Mmh. Demain, 16h, séance dédicace à la Wati Boutique, 29 rue de la Ferronnerie. 16h, séance dédicace. Venez avec vos skeuts, vos t-shirts. Avec les albums. Avec votre personne. Venez comme vous êtes. Merci à tous. On est encore numéro 1 sur iTunes. Numéro 1 single brisé sur iTunes. C'est grâce à vous. Merci au peuple de la France. Merci à Jack en tout cas qui était avec nous en freestyle. Les Twins viennent de nous rejoindre, notamment Laurent qui collabore à ton album aussi, ouais, sur un morceau qui s'appelle Angelina. Angelina. Non, je voulais juste qu'on revienne rapidement, on va pas vous saouler avec ça, mais sur le parcours, parce qu'il y a plein de gens qui envoient des messages et tout sur le côté danse. Comment est-ce qu'à un moment, quand on part du 9-5, on se retrouve aux États-Unis et on fait des tournées mondiales? Bah écoutez, il faut savoir aussi que les artistes les plus grands s'ennuient et n'ont pas la chance de marcher dans la rue correctement. Donc ils sont focus sur Internet. Et on a 48 millions de fans. Donc les gens nous regardent beaucoup et partout aux États-Unis et partout au Japon, au Brésil, en Russie, ouais, en Afrique. Je pense qu'il y a pas. Ça a commencé par quoi? Des vidéos que vous mettiez de... En fait, on était insolents. On était dans le monde de la danse, on était très insolents. C'est plus. On a appris, avant d'être champion du monde, il fallait être champion de ton quartier. Mmh. Après, champion du 95. Après, champion du 9-1-9 de notre 1-3-4-5-6-7-7-8. Et après, l'île de Paris, la France, l'Europe, l'Asie. Ah non, mais c'est n'importe quoi. On a voyagé. Oui, insolent, très très jeune. Donc après, le respect de beaucoup de danseurs et surtout beaucoup de rageuses qui nous a appris à connaître le monde du business. On adore nos rageux, on les aime. C'est grâce à eux qu'on arrive là. Et puis après, bon, Beyoncé, Jay-Z et Missy Elliott nous ont cherchés pendant 2 ans. Ils nous ont trouvés. Et vous ont trouvé. Ils nous ont pas lâchés, ça fait 7 ans. T'imagines, Gim, c'est incroyable. Mais c'est fou, moi j'ai loupé quelque chose. Regarde, j'ai loupé. J'ai des gens avec vous, les gars, on fait des trims. Tu vois pas. Tu vois la vidéo de Jay-Z qui dédicace jamais personne. Il bloque comme ça, il bloque le son, genre. Ayo, make some noise for the tweet. Jay-Z, oh, c'est-à-dire ils l'ont fatigué, Jay-Z, ils ont forcé Jay-Z à crier. Regarde le sacrilège, c'est-à-dire même à New York, ils ont dit non. Mec, ils ont Jay-Z a crié. Et les gars sont là dans le studio pour toi. Kanye West, il a jamais crié pour les. Il a crié pour les Twins, des mecs de Sarcelles. Oh, il y a McDo à côté, là, vous voyez. C'est là-bas. Non, c'est génial. Non, mais on vit notre jour, on vit la vie au jour au jour. Et puis, franchement, Est-ce que vous continuez à suivre ce qui se passe en France, notamment pour Gims? C'est ce que vous suivez? On bosse. En fait, on. Non, c'est pas vrai. On suit pas ce qui se passe. On va pas mentir. On suit juste monsieur Gims. Ouais. Par exemple, ce matin, vous étiez où? Le réveil était où ce matin? Ouh là là, on est sur un son. Vous êtes. J'étais pas prêt. Ils sont pas prêts. Même moi, je suis pas prêt. C'est n'importe quoi. Et par contre, une mauvaise nouvelle, je me suis cassé la jambe hier soir. Ouais, les rageux ont ça bien c'est prié. L'œil, ça c'est l'œil. Ils ont bien prié, ça s'est bien fait. Je suis normalement à l'hôpital ce soir ou demain soir. Ils ne t'auront pas. Non, mais juste, le réveil était où ce matin? En France ou à l'étranger? Non, c'était ici. On est juste arrivé du Gabon là. Tu vois, ça veut dire tout à l'heure, je les appelle, je leur dis pour le Planète Rap, je me dis, ça se trouve, là, je les appelle, le mec, il est à Tokyo, il est à Bora Bora, il est à Chicago, l'autre part. Les prochaines destinations, c'est quoi? Là, vous bossez sur un album en commun? Attends, je regarde mon emploi du temps. Pendant que tu regardes l'emploi du temps, regarde tranquillement l'emploi du temps. Les mecs sont trop forts. Kim Kardashian, après Taiwan, après Berlin, Dublin, Ghetto Style, une journée à Paris, Galerie Lafayette. Vous étiez avec Ice Cube. J'ai vu la photo. Vous étiez avec Ice Cube du NWA. Écoute, Ice Cube, il est venu. J'étais là-bas. Il m'a embrassé devant tout le monde. Il m'a dit, écoute, non, je vous mens pas. Il y a les vidéos, de toute façon, je ne mens pas. Embrasser, ça fait un peu gay, là, mon gars. Embrasser dans la langue soutenue française, c'est-à-dire, tu vois, prendre quelqu'un dans ses bras. Donc, il m'a vu, il m'a dit, je suis tellement fier de voir enfin les personnes que j'aime le plus voir enjoy my movie. Non, mais j'étais au Magnum ce matin, tu étais où? Ce matin, j'étais au Grec. On s'est réveillé à Château. Grec, le matin, c'est bon, Gims, je crois qu'il est temps maintenant, on en a parlé. Il est temps de balancer ce morceau inédit. Mais franchement, j'aime plus une tarte. Il rappe super. C'est un morceau qui s'appelle Angelina. Le morceau s'appelle Angelina. Cherchez pas à savoir pourquoi il s'appelle Angelina. Pourquoi? Il s'appelle Angelina. D'accord. Angelina. Allez, on le balance. J'ai fait une photo avec Angelina. C'est dans les bacs. Ils vont faire le show ce soir. On s'est connu dans le groupe, mais pourtant c'est du mal. Du coup, on a cru que l'anneau provenait du Nine. Laisse-moi les gouverner par la terreur. Je changé de mine. En lévitation dans le vide surplombe la Seine et le Nil. Algérina, Algérina, Algérina, Algérina, Algérina. My life is money and riches, bitches and beautiful women. Haters mad when they see it, like they could not believe it. I just walk away the season, I'll be bobbing the with it. Homeboy, never turn your luck for the back of your tongue. Make a life go duck, if I turn those guns, cause that beach feel bad. Make a beach feel sad, kill a car, I'm with it, make a beach feel bad. I'm the flyers, I did it, one of the six on the main. I put the top of the baby, they call that beach on JD. Al Angelina, la Angelina, Angelina, je suis rare comme le tigre de Sonatra. Roule sur les crânes en Porsche Carrera. Au mieux, tu t'en sors avec un coup de cara. Fontenique, Tara, c'est ça, viens, Paname, c'est incomparable. C'est un hit parade, on évolue en me dans des petites baraques. C'est la rue, la veille, loin de la star. On s'est connu dans le groupe, mais pourtant c'est du mal. Du client, écoute que l'anneau provenait du Nine. Je sens comme une odeur de peur. Angelina, Angelina, Angelina, Angelina, Angelina, Angelina, Angelina, Angelina. Le morceau est fou. Le morceau est fou. Angelina à l'instant. Le morceau que vous retrouverez dès pilule demain, rouge. Pilule rouge, avec Laurent des Twins qui est là avec nous. Les Twins qui sont là, ils sont venus pour toi, Gims. Ah, ils sont venus. Tu as vu leur agenda, demain ils sont à Dublin. Bien sûr, mais ça, c'est... Hey, ça c'est mes gars. Ça c'est des gens avec qui on va avancer dans le futur. Là. Et, par contre, on va avancer avec eux. Vous allez me retrouver dans leur projet. On va faire de grandes choses. Gims, un petit mot quand même sur pourquoi tu as voulu Laurent des Twins, pourquoi tu as voulu les Twins sur ce projet. Pour leur folie. Comment ils ont débarqué sur le projet. On se connaît depuis, c'est pas depuis aujourd'hui qu'on se connaît. Ouais, il y a un petit moment. Nos chemins sont un peu séparés. Ils ont fait leur parcours. Moi, j'ai toujours vu, j'ai toujours regardé ce qu'ils faisaient au loin, tu vois. Et sur cet album-là, sur ce projet-là, sur cette aventure-là, je voulais collaborer avec eux absolument. Tu savais qu'ils rappaient ? Je savais pas qu'ils rappaient. Même pas. Déjà, ça c'est marrant en fait, parce qu'il nous a demandé à. Et d'ailleurs, j'aimerais bien changer ça, parce que c'est pas Laurent Twins, c'est les Twins. Pardon. Les Twins. Pardon. Donc, pardon ouais, c'est le nom au total, tu vois. Les, faut respecter sa touche française des Twins dans le monde. Ah, les ouais. Twins, les Twins. Okay. Donc, c'est les Twins. Et quand il nous a demandé, il est venu vers nous, il a dit oui. Moi, je vous suis depuis longtemps. Je dis bah, moi, même si j'ai pas envie de te suivre, on n'a pas le choix, tu sais. Le mec, il est là, il est dans toutes les radios. T'es obligé de l'écouter, même si t'aimes pas. C'est comme Beyoncé, t'aimes pas ses sons, mais tu les connais tous par cœur. Donc après, je dis ouais, bah écoute, ouais, moi aussi, on te suit. De toute façon, kiffe ce que tu fais, c'est un truc de ouf. Même qu'on est partout, même dis-toi, on est avec Jay-Z, Beyoncé. Même qu'on est avec Beyoncé, on aime bien lui mettre des sons français. Et toutes ses sons d'assaut, elle connaît. Elle connaît section d'assaut. Ah, mais nous, quand on est dans la pétition, on mettait des sons français. Ah ouais, c'est le qui, tu vois. C'est, pour moi, c'est une soupe à croûte nouvelle génération, Wu-Tang Clan. C'est un petit clin d'œil aussi, Angelina. Il y a un petit côté clin d'œil aussi sur le Angela. Au début, un petit peu le côté. Un petit clin d'œil, non? Non, Angelina, je te dis la vérité, c'est le coup de cœur que j'ai eu sur un restaurant. C'est un restaurant français où j'ai mangé un super croque madame et j'ai voulu faire une dédicace au restaurant. Le mec est trop fort, je bouffe un croque madame. Et ouais, il est venu et franchement, il m'a dit au téléphone, écoute, moi personnellement, j'ai pas envie de passer par 4000 personnes, je vais passer par toi. Mec, vous êtes des ouf, je suis un ouf, on va être ouf. Exactement. J'ai dit, vas-y, y a pas de soucis, mais tu t'es au courant que c'est pas possible. Il me dit, mais. Comment ça Non, parce que moi, je te mets le spot que tu veux, tu danses, tu fais ton truc machin. Je dis, non, mais je danse plus. Ouais. Je dis ça, il me dit. Maintenant, je veux kicker. Mais attends, je sais pas, mon show Maroc, j'arrive tout de suite. On va parler. Directement, on s'est vu. C'est fini déjà. Les nuits blanches au studio. Connexion, première connexion avec les Twins, dont on entendra, à mon avis, encore parler. Premier signal. Très rapidement. Et à mon avis, les gars, vu comme ils sont chauds, je pense qu'ils vont nous faire un truc de dingue là. Pourquoi 2016? Non, messieurs, 2016. Ah non, pas du tout. Non, non, non, non. Bon, déjà, Maître Guy, ça c'est. Je pensais sortir mon son avant celui de Meggy. Mais là, Meggy, tu vois, mais ah oui, vous êtes prêts, les gars, balancez un truc. J'ai dit, Meggy, t'es mon premier son, ça va être lourd. Mon deuxième son, il va être lourd. Le reste de mes sons internationaux qui sera lancé bien sûr par Monsieur Timbaland, je veux ma petite touche française avec moi. La voix de Meggy est incroyable. Les gens sont pas au courant de ce qui se passe behind the scene, mais dans les coulisses. Si les gens connaissent Maître Gims, ils vont dire, mais c'est un taré. On te l'a déjà dit. Non, t'as c'est pas en public. Pas en public. Si c'est pas je sais pas si il y a des censurations. Fuck you bitch, on est là. Il y a les fuck you bitch, motherfucker. Ce gars là qui laisse son enculé, je m'en fiche qu'il est à côté de moi. C'est pas parce qu'il est là, je ne parle pas parce qu'il est là. Ce mec là, c'est un taré. Je l'ai ramené, même mon assistante, si elle parle même pas français, elle m'a dit, mais il rappe en anglais. J'ai dit, mais il parle pas anglais. Elle a dit, je suis sûr qu'il parle anglais. J'ai dit, non, c'est du rap français. Bon, bah écoute, Gims, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ça fait plaisir. Pillow Blue, Pillow Red. Des passionnés, moi j'aime travailler avec des passionnés. On attend les Pillow Blue and Red. C'est tout. Ça arrive prochainement. Merci en tout cas d'être passé, messieurs. Parce que je sais que vous êtes pressés, que vous êtes partout dans le monde. H Magnum, désolé, mais ils ont beer un peu mieux que toi ce soir. Exceptionnellement. Je cède. Ils ont un peu mieux beer que toi. Non, mais j'avoue, j'achète. Allez, on trouve du foot dans un instant. Juste avant, on fait tourner la roulette. Skyrock t'offre le jeu Until Dawn jusqu'à l'aube, plus la PlayStation 4 qui va avec. La roulette qui va tourner, j'en ai déchiré ma feuille avec Alisa, c'est ça, Alissa? Ouais. Ça va bien? Bah, bienvenue ouais, dans ce planète rap fou avec Gims, avec H Magnum, avec les Twins qui sont là. Allez mater si vous connaissez pas encore les Twins, franchement. Allez mater sur la net. Tout le monde, hein. Voilà, vous tapez Twins et vous allez voir des trucs de dingue, ils sont là avec nous. Tu es prête à faire tourner, on y va? Ouais, je suis prête. Allez. Putain, j'ai l'impression là. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur... Oh. Et ben voilà, le film qui cartonne en ce moment, c'est un film Skyrock, Hitman, Agent 47, 4 places de ciné. Et puis également le nouveau jeu qui cartonne aussi, Until Dawn, il est pour toi, on t'envoie ça. Ok. Merci, on te fait un bisou. Ah, j'ai pas la PS4, je suis trop déçue. Et ben écoute, la prochaine fois, reviens tenter, t'inquiète pas. Peut-être j'ai dit full tout à l'heure. Je te fais un bisou. Ciao. Ok, bah, je passe les fils, c'est... Je pensais que vous alliez un peu les mecs raquer une PS4, non? Juste les fils. Ah, vraiment. Merci en tout cas Gims pour cette soirée. Demain l'album sort, on t'attend entre 20 et 21. Merci H Magnum, on attend Gotham City fin octobre. Fin octobre, Gotham City, gros album. Et puis l'album des Twins, c'est quand alors? Dans normalement 2 semaines, le premier son va sortir. Et le reste, bien sûr, par Timbaland qui on attend et qu'on attend de partir. Et de toute façon, je serai à New York avec Maggie qu'on va filmer Angelina là-bas. Ouais, le clip sera tourné là-bas, Angelina. Et si je peux me permettre aussi, la marque Les Twins, et là c'est un des shirts. Vas-y. Les Twins sont ma bolise. Je veux cette chose. On est ambassadeur. tu as ton pull, Eleni. On peut trouver où, Laurent? Chez Eleven Paris, en fait. On est ambassadeur de... Il y a ton pull. Les gars, c'est un honneur. Jay-Z met ses choses. Voilà. Et Gims aussi maintenant. Les Twins, Eleven Paris, là ça sort dans une semaine et demie, 2 semaines. Ce sera dans les stores d'Eleven Paris, les Twins. À Galerie Lafayette. Merci à vous en tout cas. Et voilà, c'est une belle réussite. En tout cas, on était content de les avoir ce soir dans l'émission. Merci de nous avoir invités. Et on va retrouver D-Fool maintenant parce qu'on n'a pas la bourre. Désolé, D-Fool. C'était une soirée chargée, mouvementée. Juste avant de retrouver la radio libre. J'entends Marie. Bah oui. J'entends Marie rigoler. Non, on est là. Je n'ai pas, donc on parlait dans le vide. J'entends Cédric aussi. Ça y est, on est connecté. Oui. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Ça va bien. La pêche. Est-ce que tu connaissais les Twins? Oui, je les ai même vus. J'en ai vu un des deux danser avec l'équipe. D'ailleurs, on était allé manger au Quick un soir. Au Quick de Saint-Lazare, il y en a un qui dansait pour draguer une meuf. Je ne dirais pas lequel des deux. Ah, tu sais pas peut-être. Mais il y en a un qui doit se reconnaître. Et il dansait pour draguer Marie. Je n'étais pas là. Mais c'était à Moi j'étais là, moi je suis témoin. C'était à Saint-Lazare. Je mange pas Quick, donc ça doit être l'arrière normalement. Master Games demain. Yeah. Le retour. Yeah. The Return. Pour la sortie de l'album, ouais. Sortie de l'album demain. Dans quelques heures sur iTunes, demain en physique à la Fnac. Et puis demain soir dans Planète Rap en plus. Hein. Et demain soir pour le dernier passage. Dernier passage avant un nouveau Planète Rap dans avec une semaine. Avec les invités de Marc encore. Exact. À demain, il y a Niska qui vient. Ouais, ça on sait. Ouais. Très bien. Il y a Niska qui vient. Gros son. Planète Rap demain 20h-21h à retrouver. Nous on arrive dans un instant avec le son de Nekfeu pour démarrer la soirée. Nekfeu, on verra. Et puis on va voir ce qui va se passer ce soir. Surprise, radio libre avec vous toutes de toute la France. Vous nous appelez dès maintenant 01 53 40 30 20. Allez-y Gims, Fredo, à demain. Yes, à demain. Et vous tous et vous toutes, bougez pas, on revient tout de suite sur Skype. Ciao. Pour la rentrée, toute l'équipe du Morning se met au sport dès le réveil.